chaussures bien cirées pour qu'elle puisse briller. Serai-je plus heureuse et toujours joyeuse? Le monde verrait pourtant comme je suis vraiment si je brillais. Serais-je plus jolie que là si je pétillais? Je suis prête, je